le plus taré de tous. En attendant le moment où tu seras respecté pour ce que tu es vraiment. Oh, oh, oh. Essaye d'imaginer un jour où tu seras. Jeter